On y va? Bon, pose pas trop de questions, hein. Aïe! Va doucement, hein. Aïe! Sinon, je m'énerve, hein. Petit con. Alors, Rocksmith, rappeur à succès, ça marche pour vous, hein? Racontez. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais ferme ta gueule, toi! Aïe. Vous avez vendu combien? Ils sont toujours là! Doucement. Combien? Ouais. Ah, mec! J'en ai marre, j'ai déjà répondu. Et tu me poses la même question. Comme tout le monde, là. Et t'as vendu doucement, ça marche pour toi? Écoute, hein. J'ai 24 pages de vie, une autre se tourne. Aujourd'hui, depuis le temps que maman demandait à quand son tour. Un million de tentatives recherchent le succès, tel un détective. Trop d'échecs, le business fait pas de chèque. Les profs me comprenaient comme quand je te parle, check. Mais tout ce que je voulais, c'est je voyais, j'achète. Par ambition, j'ai développé mon tas de salopé. Alors j'ai chopé des costumes, cassé les carreaux au manif. Puis suivi les études pour des fêtes moins manifestives. Faire style, j'avais pas faim, car pas de moyens financiers pour nourrir moi et toutes mes fiancées. Puis un jour j'ai tout plaqué pour le rap. Tout le monde m'a claqué, portonné. Mais j'ai gardé le comportement. J'avoue, depuis c'est le confort. La beuh, t'as un bon voyage. J'ai des chaînes en or. C'est bien tout ça. Et qu'est-ce que les gens ils pensent de vous maintenant? Attends, changé, je suppose. Hein, monsieur Poutine? Maintenant je suis. J'ai changé, mais je suis plus le même, tu vois. Alors les gens, c'est clair, ils disent changé, mais ils le disent pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? L'argent, t'as changé. Ça, attends, j'arrive. Beaucoup maintenant. L'argent, mec, je vais te dire comment ça se passe. Les gens ils croient toujours la même chose alors que... Les choses changent, trop de gens osent dire que je change. Le retour d'un loser fait mal mais faut que je mange. Ma vie a pris un sens étrange, face au stress doit être super héros comme quand c'est strange. Mes propos vont laisser des cheveux hérissés. Sachez que s'enrichir seul est risqué. Les proches pensent que tu ramasses l'argent par terre. Je parle même pas des loins pour qui tu n'es qu'un chiffre pair. Donc divisible, ils sont difficiles ces fils de pigne. Leurs fines épines pensent me piquer, voici mes pronostics. Quand je téléphonais, ils criaient sale qu'en fil. Maintenant ils sont contents quand j'appelle leur fille sur mon phone sans fil. Je me demande par quel mystère trop de belles amies se perdent. Calomnie deviennent mes ennemis. Ils se mêlent à ceux qui veulent faire ma vie un pêle-mêle. Piège mon lit, face à ça je fais des espiègleries. Alors là, vous gardez le sens de l'humour, hein, c'est bien ça. Et vous faites quoi vous maintenant? Maintenant bah j'en ris, hein, tout mieux, hein, tu sais quoi mec. C'est bizarre l'argent, tu changes de souci. Et en plus, je suis loin d'être millionnaire et je le sais déjà, t'imagines. Mais la santé ça va, alhamdoulilah. Bon, je sais pas si ça le fait aux autres, mais quand tu commences à être connu, ta vie elle change 50-50, car la moitié est dans la nuit et l'autre c'est dans le jour, tu vois. Alors le jour je suis au studio et on dit que j'ai de la prestance, vrai. Teste-moi, rien que presque. T'es prêt? Qu'est-ce t'en dis? Je te dresse ta pierre, ton balle pour balle. Il était temps pour moi de faire le point. Te demande pas pourquoi. Je suis seul dans mon coin, des heures à regarder dans le vide. Assis en tailleur au fond de moi-même grâce à la weed. Depuis que je suis SDF, je suis de comeback à la tête, Steph Kambako. En fait, lève ta main si t'aimes le shit. La 8-6, la police, c'est ce qui suit. Inquiet pour mes potes qui évoluent dans le crime à une vitesse identique à mon ascension dans le disque. Si très peu me connaissent, c'est que je sais rester discret. Le succès concrétise la jalousie des médisants. Si je me suis dit si je racontais ma vie dans un rap, ça serait pas mal, hein. Ça serait pas mal si je faisais un morceau avec ça. C'est possible parce qu'il faudrait demander les droits à Monsieur Sanchez. Monsieur Sanchez, c'est celui qui est au-dessus de moi, mais vous me connaissez, donc il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Moi, je vous aime bien. Vous êtes de mes amis maintenant, alors vous pouvez compter sur moi. Vous savez, j'ai des appuis partout et tout. Non, bon, je suis petit journaliste, mais j'ai...